Dehors sous Stoli, moustachu à la Vova. Je rêve pas du top 10, je rêve pas de ma face chez Vevo. Pas très bavard, je laisse le moteur vrombir. Cherche une planque là où y a pas de réceptionniste. 2001 perché là-haut, pendant qu'elle dort dans les draps poisseux. Je recompte ma cale de billets, je me prends pour un gros poisson. Surveille pas ses danseuses, surveille pas ses buts. Surveille le cours du Roro, mon pompe sous le canapé bute. Leur carrière elle pue la merde, on dirait c'est du gambling. Le F j'ai pris zéro vacances, je les tords sur une chaise de camping. Donne-moi 2 balles tous les mois et je fais un sourire pour la vie. Marquer l'histoire, je m'en bats les couilles. Tant que mes poches vivent pas la famine. Indépendantiste à la mort, je l'ai prouvé maintes et maintes fois. J'ai besoin que d'électricité sur leur rond-point, je fais un tout droit. Vos contacts, je leur pisse dessus. Vos stratégies, je leur pisse dessus. J'ai que mes couilles et mon chlawa depuis l'époque où shit faisait pas de bulle. Je suis un enfant de la ZNO, donner mon cul, c'est pas possible. Mental de Madeleine Riffo. Devant l'ennemi, jamais docile. Ces gros porcs se rongent les ongles parce que chez eux j'ai pas signé. Je les vois comme des gros pointeurs au milieu d'une allée à Disney. Chaque jour y'a des petits qui tombent à cause de leur discours de merde. FM, je rentre pas dans l'industrie qui sent la lèche, qui sent le sperme. J'avais 14 ans, je rêvais d'une paire de Red October. Sur le boulevard, j'ai plavonné, j'ai jamais parlé à un seul docteur. Je trouvais les réponses dans un flaky ou bien dans ma paire d'écouteurs. À l'époque, sincèrement, je pensais finir chauffeur dans un sprinter. Mental colonel Fabien, sur lequel j'hésite pas à shoot. Si la musique ça marche plus, je mets 900 kills dans un jumpy. Je rappe toujours pas dans les dents, ça fait suer mes détracteurs. Mon grand aère un peu ta chambre, dehors y'a du soleil et des fleurs. Chez moi y'a pas de gourou, je les dévore tous un par un. Puis je ricane, atteint par le courroux, je les laisse pourrir au moins un. Pour me refaire, je traîne pas au casin, j'investis sur de l'acier noble. Viens pas me faire le don Chicho car t'as des casales sur ton os. La cétone c'est pas pour les jolies paluches de ma Bella. Je frottais ma peau au citron pour plus sentir l'odeur de ses lâches. L'autre il nous parle de misère, à 16 il avait des Margiela. Je dis pas que j'ai manqué d'un truc, mais je plavonnais dans les heures creuses. Je peux pas blairer ces actrices, le monde est moche et c'est acté. Donne-moi un taudis dans la creuse, ça fera sourire le môme qui avait de l'acné. Ça tend la main par intérêt, après ça joue les curateurs. Avec leur langue sur une cuvette, ils feront plus jamais les beaux parleurs. Dans la bringue avec mes frères, je mets pas leur son sur le speaker. Je rigole sur ces goofies, pour exister, ont besoin de parure. Je me fatigue pas, je leur tords le cul, je rappe même pas, je le fais en parlant. Tellement baisé par leur maison de disque, leur son c'est comme un parlu.